Il se peut qu'un jour, vous soyez dans une situation, situazione, où vous vouliez dire « ça ne marche pas ». Mais « ça ne marche pas » n'a rien à voir avec « marcher » au sens propre, « camminare » en italien. Que veut dire en fait « ça ne marche pas » ? Ça ne va pas ? Ça ne va pas ou ça ne... fonctionne pas. Voilà, c'est ça. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et c'est exactement la même chose en italien. Non funziona. Non funziona. F-U-N-Z-I-O-N-A. Ça ne fonctionne pas. Alors, que fait-on quand quelque chose ne fonctionne pas? On le répare. Comment diriez-vous ça? Réparer. Comme dans réparer la voiture, réparer quelque chose. Essayez de deviner, ce n'est pas difficile. Reparare. C'est ça, sauf que ce n'est pas ré, mais ri. Riparare. Riparare? Oui. Alors, comment diriez-vous, pouvez-vous le réparer? Può lo riparare? Vous êtes sûr? Può ripararlo? Voilà, c'est ça. Può ripararlo? Ou alors, lo può riparare? Si quelque chose ne marche pas, non funziona, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On le fait réparer. En italien, c'est la même expression, avec faire, c'est-à-dire fare. Donc, pour dire, par exemple, « je dois le faire réparer ». Commençons par dire « je dois ». Comment dit-on ça? Devo. Devo. Devo, le faire. Fare. Je dois le faire. Devo farlo. Devo farlo réparer. Devo farlo riparare. Devo farlo riparare. Très bien. Devo farlo et puis l'infinitif. Riparare. Devo farlo riparare. Le verbe changer se dit cambiare. C-A-M-B-I-A-R-E. Cambiare. Ce qui fait que je vais le faire changer ou plutôt... je dois le faire changer, se dira. Devo farlo cambiare. Devo farlo cambiare. Tout à fait. Maintenant, si laver se dit lavare, L-A-V-A-R-E, comment direz-vous je vais le faire laver? En fait, vous allez employer directement le futur. Dites. Je le ferai laver. Lo farerò. C'est plus simple que ça. Vous compliquez là. Farò. Je le ferai. Lo farò. Laver. Lo farò lavare. Bien. Lo farò lavare. Et selon le même principe, comment direz-vous? Je peux me faire comprendre en italien. Ou même, maintenant, je peux me faire comprendre en italien. Ora posso mi fare... Attention à l'ordre des mots. Comment aviez-vous dit tout à l'heure, je dois le faire changer? Devo farlo cambiare. Oui, donc maintenant c'est la même chose. Mais... au lieu de le faire changer, on a me faire comprendre. Je peux me faire comprendre en italien. Posso farmi... bien. Capire. Oui. In italiano. C'est bien. Ora posso farmi capire in italiano. Comment diriez-vous? Il a fait une réservation pour nous, sachant que dans ce cas, nous se dit noi, N-O-I, noi. Pré... allez-y. A créneau... Non, je n'ai pas dit il a réservé, mais il a fait une réservation. Ah, pardon, il a fait... Ho fatto... Ça c'est j'ai fait. Ah. Ha fatto... Ha fatto, très bien. Il a fait... Ha fatto... Ha fatto... Une réservation. Una prenotazione. Una prenotazione, c'est ça. Ha fatto una prenotazione. Pour nous. Per noi. Per noi, pour nous. Per noi. Ha fatto una prenotazione per noi.